إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui c'est le cours 95 dans l'explication du Kitab al-Tawhid et on commence tout de suite avec l'explication parce qu'on est toujours au chapitre 34. Et c'est, on parle de, du fait qu'on doit être entre l'espoir et la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'on ne doit pas perdre l'espoir en la miséricorde d'Allah, et qu'on doit toujours se méfier de la ruse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, on a parlé de ça hier, et on continue donc aujourd'hui avec une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est rapportée selon Abdullah ibn Abbas. عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال الإشراك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله. Donc عبد الله بن عباس il dit que le prophète صلى الله عليه وسلم a été questionné au sujet des grands péchés. Alors le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم a répondu que les grands péchés, là, il en a mentionné plusieurs, il en a mentionné trois, et la première, il a dit que c'est al-ishraq billah, al-shirk, ok. Donc ça, c'est peut-être dans une autre narration, ici, c'est marqué, c'est ici, al-ishraq, ici, c'est al-ishraq. Donc al-shirk et al-ishraq, c'est la même chose, ça a tout rapport, non, al-ishraq, c'est le masdar, c'est al-ishraq, de faire le shirk. Et al-shirk c'est la même chose. Donc al-ishraq billah et c'est de faire le shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ya'su min rawhillah, ça veut dire de perdre l'espoir en la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et en l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et al-amnu min makrillah, c'est de se sentir en sécurité contre la ruse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc le shirk al-fawzan il explique maintenant. Il dit قوله عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر أي عن الذنوب الكبائر جمع كبيرة وهي العظيمة. C'est-à-dire on lui a posé la question au sujet des kabair, et al kabair c'est les grands péchés. Les grands péchés c'est, et kabair c'est le pluriel de kabira, le pluriel de kabira. فقال الإشراك بالله وهذا أكبر الكبائر. أكبر الكبائر الإشراك بالله وهو عبادة غير الله بأي نوع من أنواع العبادة وأيا كان وهذا المعبود وأيا كان هذا المعبود صنما أو شجرا أو حجرا أو حيا أو ميتا أو قبرا أو غير ذلك. donc le شيخ الذكر le premier le prophète صلى الله عليه وسلم a dit que c'est الإشراك بالله. Et al-ishraq billah, c'est le plus grand de tous les grands péchés. C'est le plus grand de tous les grands péchés, c'est de faire le shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que tu adores autre que Allah en lui offrant une femme parmi les formes d'adoration, ou une femme quelconque parmi les formes d'adoration, et peu importe à qui tu l'offres parmi les choses qui sont adorées par les êtres humains, que ce soit à une idole, ou à un arbre, ou à une pierre, ou à un être vivant, ou à un être mort, ou à une tombe, ou à autre chose. Donc, peu importe quel acte d'adoration tu offres à autre qu'Allah, et peu importe à qui en dehors d'Allah tu l'offres, ça c'est le shirk, si tu le fais. وَهَذَا هُوَ الَّذِي لَا يُغْفَرُ إِلَّا بِالتَّوْبَةِ قال تعالى إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ وهذا هو الذي يحبط الأعمال جميعا قال تعالى ولئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين لشيخ الذكر donc الشرك c'est le péché que Allah ne pardonnera à personne excepté par la repentance. Il mentionne le verset 48 de Sourate An-Nisa dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit qu'il ne pardonne pas qu'on fasse le shirk avec lui, mais il pardonne tout autre péché, hein, en dehors du shirk, il pardonne tout autre péché à qui il veut. Et il mentionne le fait que également le shirk détruit toutes les actions que tu peux faire. Et il mentionne le verset 65 dans Sourate Az-Zumar à ce sujet-là, qui dit que quiconque fait le shirk, ou si tu aurais fait le shirk, on aurait annulé toutes tes actions et tu serais certes parmi les perdants. Et ensuite, il mentionne la suite du hadith, وَقَوْلُهُ وَالْيَأْسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ وَهَذَا مِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَى وَمَنْ يَقْنُطْ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ فالقنوط من رحمة الله من أكبر الكبائر لأن فيه إساءة ظن بالله سبحانه وتعالى ولأنه يحمل صاحبه على عدم التوبة لأنه يقول لا يغفر الله لي إن تبت وإن تبت والله سبحانه وتعالى يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون توبوا إلى الله والتوبة توبوا إلى الله عز وجل والتوبة تجب ما قبلها مهما كان الذنب الشرك والكفر وقتل النفس والزنا وشرب الخمر وأكل الربا فالتوبة لا يبقى معها ذنب إذا كانت توبة صحيحة والتائب من الذنوب كمن لا ذنب له قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف فالكفار إذا كانوا يغفر لهم ما قد سلف فكيف بعصاة المؤمنين إذا تابوا هم أولى بالمغفرة فعفو الله أعظم من ذنوبهم لشيخ اكليك لا دوزيام شوز كو لو بروفيت صلى الله عليه وسلم مونسيوني دان سو حديث لا سي لو فيت دو بيرد لسبوار l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala et en sa miséricorde. Et il mentionne que ça c'est pareil au verset qu'on a mentionné hier dans le chapitre, et quiconque perd l'espoir en la miséricorde de son Seigneur, excepté les égarés. Donc, al-qunut, c'est-à-dire de perdre l'espoir et de tomber dans le désespoir par rapport à la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un des plus grands parmi les grands péchés. Et pourquoi? Parce que, en fait, tu as une mauvaise pensée d'Allah. Tu penses qu'Allah va pas t'aider, va te laisser tomber, va t'abandonner. Et donc, ça amène quelqu'un à ne pas se repentir. Parce qu'il se dit en lui-même, Allah ne va pas me pardonner, même si je me repens. Donc, il continue et il persiste à faire son péché et il perd l'espoir encore plus. Et donc, il faut savoir que Allah, il dit au Muhammad, à mes serviteurs, dit ô mes serviteurs qui ont dépassé la limite contre eux-mêmes, qui ont exagéré contre eux-mêmes, ne perdez pas l'espoir de la miséricorde d'Allah. Allah, certes, pardonne tous les péchés. Il est, certes, le pardonneur et le miséricordieux. Et revenez repentant vers votre Seigneur et soumettez-vous à lui avant qu'il ne vous vienne un dur châtiment ou un châtiment, puis que vous ne soyez pas secourus. Donc, repentez-vous à Allah subhanahu wa ta'ala, parce que là, il dit la repentance, elle efface tout ce que tu as fait auparavant. La repentance, elle efface tout ce qui vient auparavant, peu importe le péché que tu as fait. peu importe le péché que tu as fait, peu importe la grandeur de ce péché, la repentance va l'effacer, la repentance va l'éliminer ou l'enlever. Hein. Que ce soit le shirk, que ce soit le kufr, que ce soit le meurtre, que ce soit l'adultère, que ce soit le fait de boire de l'alcool ou de prendre des intérêts de riba, peu importe la gravité de ce péché-là, si quelqu'un se repent, eh ben, et qu'il est sincère dans sa repentance, il ne lui restera plus aucun péché, s'il s'est repenti. Et donc, avec la repentance, il ne reste plus de péché, si la repentance est correcte et sincère. Et la personne qui s'est repentie, c'est comme si elle n'avait pas de péché, c'est comme si elle n'avait jamais péché. La personne qui s'est repentie, c'est comme si elle n'avait pas de péché. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, dit à ceux qui ont mécru que s'ils cessent de mécroire, Allah va leur pardonner ce qu'ils ont fait auparavant. Donc, le shaykh il dit que si les koufars sont pardonnés lorsqu'ils se repentent, et qu'on leur efface qu'est-ce qu'ils avaient fait auparavant, alors que dire des pécheurs parmi les croyants lorsqu'ils se repentent, hein? Donc, ils méritent encore plus la miséricorde et le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, et la grandeur de la miséricorde d'Allah et du pardon d'Allah est plus grande que tes péchés. Sache toujours que peu importe la grandeur de tes péchés, sache que la grandeur de la miséricorde d'Allah et de son pardon, eh ben, elle est encore plus grande que tes péchés, donc il n'y a pas de péché qui est trop grand pour la miséricorde et le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le shaykh dit, وقوله الأمن من مكر الله, أي من أكبر الكبائر, الأمن من مكر الله, أي من عقوبته عند المعصية من حيث لا يشعر, والغفلة عن طاعة الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث رواه البزار وغيره. Le shaykh dit également, le prophète Rassam, après comme troisième grand péché, il a mentionné le fait de se sentir en sécurité par rapport à la ruse d'Allah subhanahu wa ta'ala et au châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça fait partie des plus grands parmi les grands péchés, et c'est de se sentir en sécurité contre la ruse d'Allah subhanahu wa ta'ala et contre son châtiment lorsque tu fais un péché, que la punition t'arrive sans que tu t'en aperçoives, et pendant que tu es dans l'indifférence au sujet de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce hadith, le shaykh il dit, il est rapporté par Al-Bazzar et d'autres. وَبَعْدُهُمْ يَرَى أَنَّهُ مِنْ كَلَامِ ابْنِ عَبَّاسِ وَأَنَّهُ مَوْقُوفٌ وَبَعْدُهُمْ يُضَعِفُهُ وَقَدْ ذَكَرْتُ لَكُمْ أَنَّ الشَّيْخَ رَحِمَهُ اللَّهِ إِذَا أَنَّ الشَّيْخَ رَحِمَهُ اللَّهِ إِذَا ذَكَرَ مِثْلَ هَذَا الْحَدِيثِ الَّذِي فِي سَنَدِهِ مَقَالٌ لَا يَذْكُرُهُ إِلَّا إلا وقلب وقبله لا يذكره إلا وقبله أو بعد إلا وبعد وقبله وبعده ما يؤيده من الآيات ولا حديث التي يسوقها في الباب. وهذا الحديث تؤيده الآيتان السابقتان, أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. قال وقال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون, قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وكذلك الآيات التي في التحذير من الشرك وأنه أكبر الكبائر. فالحديث هذا وإن كان في سنده مقال إلا أنه تؤيده الأدلة الصحيحة, خصوصا ما ذكره المؤلف رحمه الله من هاتين الآيتين, وبعضهم أثنى على سنده فهو ليس مجمعا على ضعفه. Donc le shaykh il dit que certains savants considèrent que cette parole c'est la parole d'Abdullah ibn Abbas et non pas la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que c'est mawquf, donc que c'est mawquf puisque c'est la parole d'un sahabi. Quand c'est la parole d'un sahabi, on dit que c'est mawquf. Et d'autres considèrent que c'est un hadith da'if. Et le cheikh il dit, et je vous ai déjà mentionné plus tôt, que le cheikh, parfois, il mentionne des hadiths au sujet duquel il y a eu certaines critiques de la part des savants de hadith dans, au sujet de sa chaîne de narrateur. Du fait que, il la mentionne pas comme preuve, mais comme témoin. Tu vois. Donc, le cheikh, il dit que, sauf que lorsqu'il mentionne un hadith qui est soit daïf ou bien qui a un problème dans son isnad ou que certains ulama ont parlé de sa chaîne de transmission, il faut savoir que le cheikh il le mentionne toujours après avoir mentionné un autre texte, soit du Coran ou soit de la Sunna qui est authentique pour le supporter. Donc ça c'est la parole et l'explication du cheikh. Et il dit, et le hadith est supporté par les deux versets qu'on a mentionnés au début de ce chapitre, أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ, et l'autre verset qui est mentionné après, قَالَ وَمَنْ يَقْنُطْ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ. Donc ces deux versets-là qu'on a mentionnés au début, de même que les versets qui avertissent contre le shirk et que c'est un des plus grands parmi les grands péchés. Donc tout ça c'est des preuves qui mentionnent que ça c'est un grave péché et qui supporte ce hadith-là. Et il dit que, donc, que peu importe, même si dans ce hadith, au sujet de la chaîne de transmission de ce hadith, il y a certains savants qui ont dit des choses, il est supporté par d'autres preuves qui sont authentiques. En particulier, ce que l'auteur lui-même, rahimahullah, a mentionné dans ce chapitre, les deux versets précédents, et de même que certains savants ont parlé de cette chaîne de narrateurs et ils ont dit qu'il était bien. Et donc, ça veut dire que c'est pas tous les ulama qui sont d'accord pour déclarer qu'il n'est pas authentique. Donc certains savants ont parlé en bien de cet isnad et ont dit qu'il n'était peut-être pas authentique, daïf ou faible. Et c'est le cas, en fait, il n'est pas daïf. Donc ensuite, il y a un autre hadith qui est dans le même sens, presque, qui est rapporté par Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, et c'est le dernier hadith qui est mentionné dans ce chapitre, ou bien c'est une parole plutôt de Abdullah ibn Mas'ud, oui, c'est la parole d'un sahabi, Abdullah ibn Mas'ud, qui dit que le plus grand, akbar al-kabair, al-ishraq billah, wal-amn min makrillah, wal-qunut min rahmatillah, wal-ya'su min rawhillah. Rawahu Abd al-Razzaq. C'est rapporté par Abd al-Razzaq al-San'ani, le cheikh d'un des shuyukh de l'imam Ahmad ibn Hanbal, qui était l'imam du Yémen à son époque. Abd al-Razzaq al-San'ani. Ok. Rahimahullah. De San'a, oui, il vient de San'a. Al-San'ani, ça veut dire qu'il vient de San'a. C'était un des grands imams du Yémen à l'époque. Bon, ça veut dire quoi cette parole de Abdullah ibn Mas'ud? Ça veut dire que, encore une fois, c'est la même signification de qu'est-ce qu'on a lu tout à l'heure. Le plus grand des péchés, le plus grand parmi les grands péchés, c'est de faire le shirk avec Allah, ou de se sentir en sécurité contre la ruse d'Allah, ou de perdre l'espoir en la miséricorde d'Allah, et de perdre l'espoir en la ruse d'Allah subhanahu wa ta'ala. En l'aide d'Allah, oui. Pardon. C'est rapporté par Abdelrazzaq. Qu'est-ce qu'il dit le cheikh ensuite? Donc il explique cette parole-là. Il dit قال وعن ابن مسعود قال أكبر الكبائر وهذا فيه دليل على أن الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر والكبائر تختلف بعضها أكبر من بعض كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الذنب أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك. فهذه أعظم الكبائر، الشرك بالله وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا سيما قتل القريب مثل قتل الإبن، وكذلك الزنا بحليلة الجار، فالزنا محرم عموما وهو كبيرة، ولكن الزنا بحليلة الجار أشد من الزنا بغيرها لحرمة الجيرة. نعم. ومصداق ذلك في قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. Donc le cheikh explique que, encore une fois, il y a la preuve ici que les péchés se divisent en deux catégories, en grand péché et en petit péché, en kaba'ir et en sara'ir, et que les kaba'ir sont différentes. Il n'y a pas un seul degré de grand péché, il y a différents degrés. Certains sont plus graves que d'autres, certains sont plus grands que d'autres. Et donc, il donne un exemple de ça dans un hadith qu'on a déjà mentionné dans des chapitres précédents. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné au sujet de quel péché est le plus grand. Il a dit c'est de mettre un ego avec Allah subhanahu wa ta'ala, d'établir un ego avec Allah subhanahu wa ta'ala, alors que celui qui t'a créé. Il a dit puis ensuite, c'est que tu tues ton enfant parce que tu as peur de le faire manger avec toi. Hein. Il y en a qui expliquent que l'avortement ça peut rentrer là-dedans. Effectivement, puisque une femme se fait avorter parce qu'elle craint la pauvreté ou la famine, elle craint de ne pas avoir assez d'argent pour nourrir sa famille ou un homme, la même chose. Hein, donc ça, il y en a qui considèrent que ça fait partie. Il y en a qui considèrent même, il y en a des ulama qui mentionnent parfois même, quand ils citent cet exemple-là, ils mentionnent l'exemple des gens qui prennent la pilule pour empêcher la naissance des enfants même, des fois. Et parce que quelqu'un qui prendrait ça parce qu'il a peur, parce qu'il pense qu'il n'aura pas assez d'argent, comme si Allah n'a pas écrit le risque de ses créatures. Non, Allah il a écrit le risque des enfants avant même qu'ils soient nés, donc il ne faut pas avoir peur de ça. Puis, après le cheikh il dit ensuite c'est quoi le trois ensuite qu'est-ce qui est le plus grand péché, il a dit c'est que tu fasses le zina avec l'épouse de ton voisin. Ça il a dit que ça c'est un autre parmi les plus grands péchés. Et le cheikh explique, il dit donc le plus grand parmi les grands péchés c'est le shirk avec Allah, puis ensuite c'est de tuer une âme que Allah a interdit ou a rendu sacré, excepté par un droit qui rend sa vie licite. Et ensuite, il dit en particulier si c'est le fait de tuer un proche de ta famille, ça c'est encore plus grave, comme le fait de tuer ton enfant. Et il dit ensuite de même que Zina avec ta voisine. L'épouse de ton voisin. Il dit que zina en général c'est haram, ça fait partie des grands péchés, mais si tu fais le zina avec la femme de ton voisin, c'est encore plus grave que de faire le zina avec une autre femme qui est loin de toi, parce que il y a le droit que ton voisin a sur toi, puis ça c'est quand même à respecter. Donc le fait que tu fasses le zina avec sa femme, c'est une forme de trahison, en plus du péché du zina, c'est encore plus grave puisque tu le trahis parce que c'est ton voisin et il a un droit sur toi, il te fait confiance. Ah oui, ça doit être grave aussi là, avec le frère de la femme de ton frère ou la femme de ton proche. Et c'est pour ça qu'il y a des gens, malheureusement, des fois, ils prennent ça à la légère, les questions de hijab et tout, et ils s'imaginent que, ah bon, c'est mon frère ou c'est de la famille, pas besoin de voiler ma femme devant lui, parce que c'est mon frère, hein. Et des fois, la femme elle reste avec son beau-frère dans la maison, et elle enlève son voile devant lui, et il s'imagine que il n'y a pas de danger. Et le prophète, il a dit, إياكم الدخول على النساء. قالوا إيهم مدوم قفت فاسا والحم يا رسول الله. قال الحم هو الموت. إيهم مدوم قفت فاسا le prophète Mohammed m'a dit faites attention de ne pas faites attention de ne pas entrer chez les femmes, de ne pas rentrer chez les femmes ou là où il y a les femmes dans la maison. Et ah d'accord, après ils ont dit, après ils ont demandé au prophète Mohammed et Alhamou au messager d'Allah, Alhamou c'est le proche du frère, comme les hommes qui sont de la parenté du frère, comme par exemple l'oncle ou le beau-frère, hein, le frère du mari de la femme, et ainsi de suite. Donc ils ont demandé à ce sujet-là, et le prophète ça m'a répondu, c'est la mort, hein, le beau-frère, l'oncle, etc., c'est la mort. Donc aujourd'hui, il y a des gens qui prennent ça à la légère, c'est comme, c'est pas grave, hein. Non, c'est pas que c'est la mort dans le sens que c'est la peine de la mort, mais c'est dans le sens que c'est dangereux, hein. Il faut le craindre comme la mort. Ouais, c'est ça. Mais comme si des gens font ça dans certains pays, ils prennent, c'est devenu, peut-être parce qu'ils sont pas au courant de l'interdiction. Dans certaines régions du monde, ils savent pas que ça c'est haram. Les hommes ils rentrent chez les femmes comme si rien n'était, et les femmes se voilent pas beaucoup parfois, et des fois ils prennent ça à la légère. Mais le shaitan il est toujours là, hein. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que lorsqu'un homme est seul avec une femme, le troisième c'est le shaitan. Donc ça veut dire que quelqu'un qui prend ça à la légère, c'est comme s'il ouvre la porte au shaitan pour dire qu'il ça veut pas dire qu'il va nécessairement faire le péché. Toutefois, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Le péché vient toujours parfois, le péché vient souvent d'une manière qu'on s'en attend même pas. Et c'est des fois c'est des engrenages des engrenages qui partent, et une fois que tu tombes dans cet engrenage, c'est difficile de t'en sortir. Donc la personne doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala et éviter justement de rentrer dans des situations pareilles, hein. Comme on dit, la meilleure façon de sortir de quelque chose, c'est de ne pas rentrer, hein. Donc il faut faire attention à des situations pareilles. Quoi d'autre encore? Le cheikh donc il dit que ce hadith-là, il est exactement dans le même ordre que le verset dans Surat al-Furqan le verset 67 et 68 à 70 dans le Coran, dans Surat al-Furqan. Allah il explique les grands péchés, il dit ceux qui invoquent avec Allah une autre divinité, et ceux qui, c'est-à-dire ceux qui ne invoquent pas, hein, il parle des gens qui sont les adorateurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne parmi leurs caractéristiques qu'ils n'invoquent pas d'autres divinités avec Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'ils ne tuent pas l'âme qu'Allah a interdit ou rendu illicite, excepté par un droit, pour un droit, et qui ne font pas le zina. Donc ça c'est les trois péchés les plus grands. Et ensuite il dit, et quiconque fait ça, il sera un pécheur, et il aura un châtiment redoublé au jour de la résurrection, et il restera dans l'enfer humilié, excepté celui qui se répand, qui s'est repenti. Il l'a même tapé. Donc ça veut dire que ça c'est parmi les plus grands péchés. Ensuite il dit wa qawluhu wal amn min makrillah, sabaqa ma'na al amn min makrillah. Wal qunut min rahmatillah, hadha sabaqa aydan ma'na. Wal ya'su min rawhillah, القنوط من ال من من ال القنوط واليعش متقاربان، وكلاهما فيه استبعاد لرحمة الله وسوء ظن بالله. واليأس من روح الله، قال الله تعالى على لسان نبيه يعقوب عليه السلام: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. أما المؤمنون فلا ييأسون من روح الله مهما بلغ بهم الكرب والشدة، لعلمهم بالله وأسمائه وصفاته وقرب فرجه وقرب رحمته من عباده، فهم لا ييأسون من روح الله مهما اشتدت بهم الخطوب وضاق بهم الحال، بل كلما اشتد الخطب عظم رجاؤهم بالله. Donc le cheikh explique, il dit que Al-Amn min makrillah, on l'a expliqué, wa al-qunut min rahmatillah, on l'a expliqué déjà. Et al-ya'su min rawhillah, il dit que al-qunut wa al-ya's, les deux, ça signifie presque la même chose, c'est-à-dire le désespoir, de perdre l'espoir. Et les deux ont la signification du fait de croire que l'aide d'Allah est peu probable, ou bien qu'elle va pas venir, ou bien que c'est loin, et que de penser mal d'Allah subhanahu wa ta'ala, de penser qu'Allah va pas nous aider, va pas nous supporter, va pas nous venir en aide, etc. Ça c'est des exemples de désespoir et de mauvaises pensées à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans le Coran, il mentionne les paroles de Jacob, et ça c'est les paroles de Jacob dans le Coran que Allah mentionne, pardon, les paroles que Allah mentionne, il mentionne les paroles de Yaqub, le verset 87 dans Surat Yusuf, il dit que Jacob dit: certes, personne ne perd l'espoir en la miséricorde d'Allah ou en l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, excepté les peuples mécréants ou les gens mécréants. En ce qui concerne les croyants, eux, ils ne perdent pas l'espoir en l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, peu importe la difficulté, peu importe les malheurs qui arrivent, ils savent toujours que, étant donné qu'ils connaissent Allah subhanahu wa ta'ala et ses noms et ses attributs, ils savent toujours que son aide est proche, sa miséricorde est proche de ses serviteurs, et donc ils ne perdent jamais l'espoir, peu importe à quel niveau de difficulté ils sont. Regardez par exemple ici dans ce pays où on vit maintenant, les gens ont toutes sortes de biens de confort matériel. Malgré ça, n'importe quel petit malheur qui les touche dans leur vie, ils créent un désespoir. Et ils commencent déjà à douter en Allah subhanahu wa ta'ala, à s'opposer à la prédestinée d'Allah subhanahu wa ta'ala, à remettre en question la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et par contre, vous regardez dans d'autres pays où les gens sont pauvres et ils ont rien du tout, ils vivent dans la difficulté, dans les problèmes toute leur vie, malgré ça tu les vois, ils ont confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, ils mettent leur foi en Allah subhanahu wa ta'ala, ils ne perdent jamais l'espoir en Allah subhanahu wa ta'ala, peu importe la difficulté. Donc les koufars ici, ils ont fait un lien entre la difficulté et ils ont dit que c'était une excuse pour renier Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont essayé de faire croire aux gens que le fait qu'on vit des malheurs et des difficultés, ça explique ou ça justifie le fait de rejeter la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que pour eux, ça se peut pas qu'on vive dans la misère, dans la difficulté, dans les problèmes, et que il y ait un Dieu qui existe, qui soit miséricordieux et qui soit bon et juste. Parce qu'ils n'ont pas compris le but de l'existence et que c'est une épreuve et un test qu'on vit et qu'il y a une sagesse derrière tout ça. Donc, étant donné qu'ils sont aveuglés et aveugles, ils ne voient que ce qu'il y a dans ce monde et ils ne voient pas plus loin que le bout de leur nez et en fait, ils ne cherchent même pas à comprendre non plus parfois. Ils veulent juste s'aveugler et s'encourager dans la mécréance. Toutefois, les gens pauvres, Et même, ils n'ont rien à manger, ils n'ont rien, ils vivent dans la difficulté et tout, mais ils sont quand même heureux. Et tu les vois, ils font des enfants, et ils ont des familles, et qu'est-ce qu'ils ont? Ils le trouvent, ils remercient Allah subhanahu wa ta'ala, hein. Tandis que ici, tu vois quelqu'un, il a tout, mais une maison, une voiture, un travail, tout ce qu'il peut rêver. Et puis, il dit, ah, un enfant ou deux, maximum. C'est trop cher, les enfants, etc. Déjà, c'est comme ça ici. Donc, tu vois que quand les gens n'ont pas la foi, l'effet que ça a sur leur vie, et quand les gens ont la foi, l'effet que ça a sur leur vie. Il y en a qui ont voulu avoir le paradis dans ce monde, et il y en a qui veulent avoir le paradis dans l'autre monde. Et il y en a, Allah subhanahu wa ta'ala, il leur donne le paradis dans les deux. Il leur donne la richesse dans ce monde, et après, ils ont la belle vie aussi. Je ne sais pas si je vous ai raconté cette histoire-là une fois, de l'imam Ibn Hajar al-Asqalani, rahimahullah. Il était un des grands savants de l'Égypte à l'époque, et il avait une position très importante dans le gouvernement aussi, dans le sens qu'il était juge, hein, il avait beaucoup d'argent et il était haut placé dans la société, il roulait avec un gros carrosse et des chevaux et tout, il était bien, hein, c'est un homme honoré, noble, oui. Et une fois il était dans son chariot et tout, puis il descendait, puis il y a un juif qui était pauvre là, qui était devant lui, quand il est descendu. Et le juif lui a dit, regarde, vous les musulmans, vous dites que vous êtes dans une prison dans ce monde, et que le paradis c'est pour les non-croyants, que la vie d'ici-bas c'est pour les non-croyants et tout, et qu'on va avoir des châtiments dans notre vie, hein, et ben, il lui dit, comment ça se fait que moi je suis pauvre comme ça et que je suis malheureux comme je suis, tandis que toi tu es bien et tu as toute la richesse et les biens de ce monde et tu es croyant et tout, tu es musulman et tout ça. Alors, l'imam Ibn Hajar al-Asqalani, et ça c'est Cheikh Mohammed Ibn Uthaymeen qui mentionne cette histoire-là dans son livre Kitab al-Ilm, il dit, le bien dans lequel je suis maintenant, par rapport au paradis, c'est rien. Hein? Tandis que toi, le malheur dans lequel tu es dans ce monde, par rapport à l'enfer, c'est rien du tout non plus. Donc quand tu rencontres Allah subhanahu wa ta'ala, si tu restes dans cet état-là, dans cette situation-là, tu vas rentrer en enfer. C'est comme si tu peux même pas comparer le malheur dans lequel tu étais par rapport à le malheur qui t'attend après. Hein? Donc c'était un exemple pour faire comprendre, parce que souvent les musulmans, on dit, quand on dit la vie d'ici-bas, Allah la vie d'ici-bas et les biens de ce monde, Allah l'a créé pour les croyants. Alors, à la base c'est pour les croyants, pas pour les mécréants. D'accord? Mais quand un croyant est privé des biens de ce monde, c'est juste parce que Allah veut lui augmenter sa récompense dans notre vie. Hein? Donc ça c'est un point important à comprendre. Ensuite, qu'est-ce qu'il disait le cheikh? Donc les croyants, ils savent que Allah subhanahu wa ta'ala, s'ils mettent leur confiance en lui et qu'ils croient en lui et qu'ils se repentent à lui, que la victoire elle est proche et que la miséricorde d'Allah elle est proche, ils ne perdent jamais l'espoir en Allah subhanahu wa ta'ala, peu importe la difficulté. En fait, comme le cheikh il le dit, plus la difficulté est grande, plus leur espoir est grand en Allah. Hein? C'est incroyable, hein? Donc c'est comme ça. Et il dit wa mawaqifuhum ma'rufa كموقف إبراهيم عليه السلام وموقف يعقوب لما فقد أولاده الثلاثة وموقف أيوب عليه السلام الذي بلغ منه الصبر الدر الذي بلغ منه الدر مبلغا شديدا لم ييأس من رحمة الله. Cheikh dit que les positions et les situations, les exemples des prophètes sont très connus, comme l'exemple du prophète Ibrahim alayhi salam, les épreuves qu'il a eues et sa position vis-à-vis de ces épreuves, la position de Yaqub alayhi salam quand il a perdu ses fils, hein, ou certains de ses fils, c'est bien connu les épreuves qu'il a dû subir et il a été patient. Il donne l'exemple aussi de Ayyub alayhi salam, qui a souffert de plein de malaise, de maladies, hein, de pertes de biens et de richesses et tout. Donc tout ça, c'était des épreuves pour ces gens-là, ces prophètes-là, et ils ont fait preuve de patience, d'endurance, et ils n'ont pas perdu l'espoir, jamais, en la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mawaqifuhum ma'roufa. C'est comme, il y a plein d'exemples comme ça, subhanallah, il y a des gens, comme l'exemple au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Malik ibn Ka'b, un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait refusé, ou bien il s'était empêché d'aller dans la bataille de Tabouk, il était resté à Médine alors qu'il était en bonne santé, qu'il était bien, qu'il était riche, il avait les moyens et tout, il était resté à Médine pendant que les autres compagnons étaient partis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour la bataille de Tabouk. Et lui-même, il n'avait pas d'excuse. Et quand les sahaba sont revenus, les munafiqins sont allés voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ah, on s'excuse, on n'est pas allé, etc. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté leurs excuses et ils sont partis. Ka'b ibn Malik, ainsi que deux autres parmi les sahaba, quand ils sont revenus, eh ben, eux, ils n'ont pas cherché des excuses. Ils ont dit directement au prophète sallallahu alayhi wa sallam, on n'avait pas d'excuses. On n'avait pas aucune excuse pour pas y aller. Sauf qu'on s'est laissé aller, puis on est resté derrière. Et ils ont attendu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, attendez, on va voir qu'est-ce que Allah va juger à votre sujet. Pendant 40 jours, 40 et quelques jours, tout le monde avait le commandement ou l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam de ne pas leur adresser la parole pendant 40 jours. Même leur propre épouse, ils ne devaient même pas leur parler, même pas leur dire salam, rien. Hein? Ils ne dormaient pas, même leurs femmes ne devaient pas les côtoyer, n'importe qui dans la rue. Hein? Personne ne leur parlait, ils étaient isolés, complètement boycottés. Eh bien, ils ont resté comme ça ferme. Et pendant ce temps, il y en a parmi les koufars qui leur envoyaient des lettres. Qui leur disait parmi les koufars, les chrétiens par exemple de Najran, qui envoyaient une lettre à Malik ibn Ka'b pour lui dire, j'ai entendu dire que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il t'a maltraité, il t'a pas traité comme avec le respect et l'honneur que tu mérites, etc. Viens avec nous, viens vers nous, etc. Quand il a reçu cette lettre, il l'a pris, il l'a brûlé dans le feu. C'est pour te dire que quand des fois tu reçois, tu passes par des épreuves et des difficultés, et le shaitan il vient, et les diables parmi les hommes ils viennent pour te dire des choses comme ça. Et puis, yani, moi-même j'ai un exemple comme ça qui est arrivé dernièrement là, en tout cas, c'est juste pour vous dire un cas comment les koufars ils réfléchissent. Quand j'étais allé voir mon père il est pas musulman, et puis je lui ai expliqué que bon, j'étais plus imam à la mosquée, etc., des choses comme ça. Puis là, il me dit, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est produit et tout. Je lui ai expliqué l'histoire, qu'il y avait les médias, puis que ça faisait la fitna, ils avaient peur des conséquences, que ça pourrait perdre la mosquée, des trucs comme ça. Et donc, ils m'ont dit que je pouvais plus être imam là-bas, des choses comme ça. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Mon père, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, tu sais, ces gens-là, ils t'ont laissé tomber, hein. Tu devrais peut-être commencer à chercher pour une autre religion. J'ai dit, ah, ouh, billah. J'ai dit, moi, je suis pas devenu musulman pour les gens, je suis devenu musulman pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Et j'ai dit, des attitudes de ce genre, t'en trouves chez les gens de toutes les religions, sans exception, hein, que les gens t'abandonne ou te laisse tomber dans des difficultés, ça peut arriver chez les chrétiens, comme chez les juifs, comme chez des gens des athées, des gens, ça n'a pas rapport avec la foi ou la religion nécessairement. Et de toute façon, c'est en Allah subhanahu wa ta'ala qu'on doit mettre notre confiance et non pas en les êtres humains. Donc c'est juste pour dire que des fois les kuffars, comment ils pensent des fois, hein, que la religion, ils prennent ça d'un sens très matérialiste, ils ne comprennent pas la réalité, hein, telle qu'elle est, comment ils interprètent les choses. Donc le cheikh ensuite il dit, ومحمد صلى الله عليه وسلم لما أخرج هو وصاحبه أبو بكر يوم الهجرة اختفيا في الغار وجاء المشركون في طلبهما ووقفوا على الغار والرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر تحت أقدامهم يقول أبو بكر يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لأبصرنا قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما فأعمى الله أبصارهم ولم يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه كما قال تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. Donc le cheikh il dit, en plus il y a aussi l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a été expulsé, lui ainsi que ses compagnons, lui ainsi que son compagnon Abu Bakr, lorsqu'il a décidé de faire la hijra. Il est rentré dans une grotte pour se cacher lorsque les mouchriquins le poursuivaient, hein, ils le cherchaient dans son chemin, donc il s'est caché dans une grotte et il était avec Abu Bakr et les mouchriquins sont venus jusqu'à la grotte et Abu Bakr disait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, au messager d'Allah, si l'un d'entre eux regardait son pied, il nous verrait, hein, il allait nous voir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, oh Abu Bakr, que penses-tu de deux personnes, Allah est leur troisième, hein? Que penses-tu de deux personnes dont Allah est leur troisième, en voulant dire que Allah est avec nous, alors pourquoi tu t'en fais, hein? Ne perds pas l'espoir dans Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah subhanahu wa ta'ala a aveuglé leurs yeux et ils n'ont pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils n'ont pas vu non plus son compagnon Abu Bakr. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset 40 dans surat Tawbah, si vous ne lui portez pas secours, si vous ne le supportez pas, Allah l'a certes secouru lorsque les mouchriquins lui ont fait sortir, lorsqu'ils étaient tous les deux dans la grotte, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à son compagnon, ne sois pas triste, Allah est avec nous, et Allah a fait descendre sur eux la sérénité, et il leur a venu en aide par des armées que vous ne pouvez pas voir, et il a mis la parole des non-croyants en bas, et il a rabaissé la parole des non-croyants, et la parole d'Allah, c'est elle qui est la plus haute. وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى. Hein, Allah a fait que la parole des koufars soit en bas, il l'a rabaissé, tandis que la parole d'Allah c'est elle qui est la plus haute. Et Allah est certes le Tout-Puissant et le Sage. Donc, ça c'est pour montrer qu'il ne faut pas perdre l'espoir en la miséricorde d'Allah, même dans les moments les plus durs et plus serrés là, où on craint que là ça y est, on va perdre, et c'est là que Allah te vient en aide. ولما خرج الى الطائف يدعوهم الى الله ردوا عليه ردا قبيحا واغروا عبيدهم وسفهاءهم برميه بالحجاره وهو ومولاه زيد بن حارثه وراجع واهل مكه كلهم اعداء له فجاء من الطائف وقد قابلوه أسوأ مقابلة وأهل مكة أيضا خرج منهم لشدة آذاهم فقال له مولاه زيد بن حارثة يا رسول الله كيف ترجع إليهم وهم قد أخرجوك فقال يا زيد إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا هكذا مواقف أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام لا ييأسون مهما بلغ الأمر مهما بلغت الشدة لعلمهم برحمة الله عز وجل وقدرة الله عز وجل وعلم الله عز وجل بحالهم وأنه لا يخفى عليه خافية ولا تخفى عليه أحوال عباده أبدا ولكنه يبتليهم ويمتحنهم ليكفر عنهم سيئاتهم وليختبر إيمانهم وليعظم رجاؤهم بالله وليتوبوا إلى الله عز وجل وله الحكمة في ذلك. Donc le cheikh dit, et lorsque le prophète Rasul est allé à Taïf pour appeler les habitants de Taïf à l'islam, parce que les gens de la Mecque l'avaient expulsé ou bien l'ont repoussé, ils n'ont pas accepté sa da'wa, donc il est allé vers la ville de Taïf et eux aussi l'ont rejeté. Ils l'ont rejeté et ils l'ont traité d'une façon vraiment laide et vraiment humiliante. Ils ont envoyé leurs esclaves et leurs petits, leurs enfants pour lancer des pierres sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour le chasser, lui ainsi que son servant Zayd ibn Haritha. Alors il est retourné à Mecca et les gens de Mecca étaient tous contre lui également. Donc déjà il a quitté Taif et il était maltraité par eux. Il est revenu dans la pire état parce qu'ils lui ont lancé des pierres et il saignait par les blessures de qu'est-ce qu'ils lui ont lancé de pierres et tout. Et même son serviteur lui a dit, oh messager d'Allah, son servant a dit, oh messager d'Allah, comment tu retournes à des gens qui t'ont expulsé, tu retournes vers la Mecque, des gens qui t'ont expulsé. Il a dit, oh Zayd, Allah il va faire changer la situation que tu vois maintenant, et il va faire venir la facilité puis la sortie, il va faire venir la sortie ou la voie. Wa alaykoum salam wa rahmatoullahi wa barakatuh. Wa akada mawaqifu l'anbiya, c'est ainsi que les prophètes ont donné l'exemple du fait qu'ils n'ont pas perdu l'espoir, peu importe la situation et la difficulté dans laquelle ils étaient, parce que ils savent que la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, que la force d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que la science d'Allah subhanahu wa ta'ala enveloppe leur état et leur situation, et qu'il n'y a rien qui lui est caché à Allah subhanahu wa ta'ala, et que l'état de ses serviteurs c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala connaît très bien l'état de ses serviteurs, leur état ne lui sont pas cachés, mais il met à l'épreuve ses serviteurs et il les teste pour les tester dans leur foi et en même temps pour effacer leurs péchés et en même temps pour augmenter leur espoir en Allah subhanahu wa ta'ala et pour qu'ils se repentent à Allah subhanahu wa ta'ala et Allah il a certes une grande sagesse dans ça. Wa qawluhu wa rawahu Abdul Razzaq. عبد الرزاق ابن همام الصنعاني الإمام شيخ العلماء والمحدثين روى عنه الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية وغيرهما من كبار الأئمة رحمهم الله. وقوي إسناد هذا الحديث إسناد هذا الحديث ابن جرير الطبري. فهذه النصوص في هذا الباب يستفاد منها الأحكام التالية. Donc le cheikh il dit qu'Abdul Razzaq, c'est comme on a dit, Abdul Razzaq ibn Hamman al-As-San'ani, un grand imam, le cheikh des ulama et des muhaddithin, et c'est le cheikh de l'imam Ahmad et d'un autre parmi les grands imams de l'islam, Ishaq ibn Rahouya, et d'autres également parmi les grands imams. Et donc Ibn Jarir al-Tabari il a déclaré l'islam de cette narration, de ce hadith comme étant très forte. Comme étant forte, et il dit il y a également des points qu'on peut tirer de tous les textes qu'on a mentionnés dans ce chapitre. Les points qu'on peut tirer de ce chapitre sont, le cheikh en a mentionné 4, Donc on va les mentionner, inshallah. Le premier, أولاً تحرم الأمن من مكر الله والقنوت من رحمة الله وأنهما ينقصان كمال التوحيد ولا ينفيان التوحيد وقد ينفيان التوحيد. Donc le cheikh il dit que premièrement l'interdiction d'être en sécurité, de se sentir en sécurité de la ruse d'Allah subhanahu wa ta'ala et de perdre l'espoir à la miséricorde d'Allah. Parce que ces deux choses-là diminuent la perfection du tawhid et elles peuvent parfois même annuler complètement le tawhid. ثانياً deuxièmement أنه يجب على المسلم أن يجمع بين الخوف والرجاء فلا يخاف فقط ولا يرجو فقط وإنما يكون خائفاً راجياً دائماً وأبداً وهذا هو التوحيد وهو صفة أولياء الله. Deuxièmement, c'est que le musulman doit réunir la crainte entre la crainte et l'espoir. Donc, il ne doit pas seulement craindre, il ne doit pas seulement avoir l'espoir, mais il doit être entre les deux. Il doit craindre et avoir l'espoir en même temps. Et ça, c'est le tawhid et c'est la caractéristique des gens qui sont rapprochés d'Allah, qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala parmi les awliya. Troisièmement, que في هذه النصوص أن المعلم والداعية يبدأ بالأهم فالأهم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يعلم أصحابه الكبائر بدأ بأهمها وهو الشرك بالله لأن الشرك أكبر الكبائر فبدأ به ثم ذكر بعده الأمن الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله. الشيخ يقول dans ces textes-là, on peut également comprendre que l'enseignant, le professeur ou bien la personne qui fait le da'wah, il doit commencer par les choses les plus importantes, puis après il descend. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a voulu enseigner à ses compagnons les grands péchés, il a commencé par les plus importants parmi les grands péchés, c'est-à-dire le shirk. Parce que le shirk c'est le plus grand des grands péchés, donc il a commencé par celui-ci, puis ensuite il a parlé des autres comme Al-Amnu min makrillah, de se sentir en sécurité contre la ruse d'Allah subhanahu wa ta'ala et le fait de perdre l'espoir à la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Rabi'an, في الحديثين أن الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر وقد عرف العلماء الكبيرة بأنها ما ركب عليها حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو ختم بغضب أو لعنة أو نار أو تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من صاحبها بأن قال ليس منا من فعل كذا أو نفع عنه الإيمان كقوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن هذه ضوابط كبيرة. الشيخ dit que quatrièmement dans les deux hadiths il y a que les péchés sont divisés en deux catégories, les grands et les petits péchés, et les ulama ont défini que les grands péchés sont tout péché qui ont une punition dans cette vie, au sujet desquels Allah a légiféré une punition spécifique au sujet de ce péché-là, en particulier dans ce monde, dans la charia. Comme par exemple, la peine pour l'adultère, ou pour le vol, ou des trucs de ce genre, des péchés de ce genre, ça c'est des exemples de péchés au sujet desquels il y a une punition. Et donc ça fait partie des kaba'ir. Ou bien il y a, par exemple, une menace dans l'au-delà. Allah il a mentionné, ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné, au sujet d'un péché quelconque, une punition ou une menace de l'enfer dans l'autre vie. Ou bien, tout péché qui est mentionné et qui est relié à la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien à la malédiction, l'a'na, ou bien au feu, ou bien tout péché qui est mentionné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et dans lequel le professeur Hassan se désavoue de la personne qui le commet, ou bien qui dit « il n'est pas de nous un tel qui fait telle action ». Ça fait partie des grands péchés. Ou bien tout péché au sujet desquels le professeur Hassan a nié la foi de celui qui le faisait. Comme par exemple, celui qui fait le zina, il n'est pas croyant lorsqu'il fait le zina. Et quiconque boit de l'alcool, il n'est pas croyant lorsqu'il boit de l'alcool, pendant le moment qu'il boit de l'alcool. Donc ça c'est des exemples pour définir qu'est-ce qui est un grand péché. Ça c'est certaines règles pour savoir distinguer entre le grand et le petit péché. أما الصغائر فهي ما ليس كذلك مما حرمه الله ونهى عنه ولم يصل إلى حد الكبيرة. Le chef dit tous les petits péchés, c'est tous les autres péchés qui ne rentrent pas dans ces exemples-là que nous avons mentionnés et qui fait partie de ce que Allah a interdit et qui n'est pas arrivé à la limite du grand péché. ولكن لا يحمل هذا الإنسان على أنه يتساهل بالصغائر لأن الصغائر إذا تسوهل بها جرت إلى الكبائر والصغيرة تعظم حتى تكون كبيرة مع الإصرار فلا يتساهل فيها ولكن ليست الذنوب على حد سواء بل هي فيها صغائر وفيها كبائر والصغائر تسمى اللمم كما قال تعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. Le cheikh il dit mais il ne faut pas que le fait qu'on sache qu'un péché fait partie des petits péchés, il ne faut pas qu'on prenne ça à la légère et de dire que ah, c'est pas grave, c'est des petits péchés. Le cheikh il dit parce que les petits péchés, lorsqu'on les prend à la légère, elles amènent à tomber dans des grands péchés. Et aussi, lorsqu'on persiste à faire un petit péché, eh ben, il devient de plus en plus grand, jusqu'à ce qu'il devienne comme un grand péché, hein, à force de le faire. Et donc, il ne faut pas prendre le petit péché à la légère. Mais, le cheikh, il dit que les péchés ne sont pas tous au même degré. Il y en a qui sont des petits péchés, il y en a qui sont des grands péchés. Et il dit que les petits péchés, on les appelle en arabe « al-lamam ». Al-Laman, comme dans le verset 32 dans Surat al-Najm, ceux qui s'écartent des grands péchés et des péchés graves, excepté Al-Laman, sauf Al-Laman, sauf qu'ils font des petits péchés. Et le cheikh il explique ensuite, il dit « وَالصَّغَائِرْ تُكَفَّرْ بِالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ كَمَا قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أقم الصلاة وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات وهي الصغائر. وقال صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. الشيخ يقول أن les actions qu'on fait qui sont bonnes. Toutes les bonnes actions qu'on fait effacent les petits péchés qu'on a pu commettre. Comme Allah Ta'ala dans le verset 115 dans Surat Hud, il dit « Établis la salat, par la fin du nahar, et wazou la fin min al-layl » aux deux extrémités du jour et durant la nuit et à l'approche de la nuit. Et après il dit que les bonnes actions effacent ou font partie des péchés. Et ça, c'est les petits péchés, en parlant des petits péchés. Et la preuve de ça, c'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que entre les cinq prières, et d'une Jumu'ah à l'autre, et d'un Ramadan à l'autre, il y a une expiation pour les péchés qui sont faits entre elles, tant qu'on s'est écarté des grands péchés. Donc, c'est-à-dire que tant que tu t'es écarté des grands péchés, eh bien, les petits péchés que tu as fait durant l'année sont expiés par tes prières, par tes jumu'ah, par tes jeûnes de Ramadan, etc. Toutefois, il faut s'écarter des grands péchés. Et les grands péchés, pour qu'ils soient pardonnés, il doit y avoir une repentance. Il doit y avoir une repentance. C'est faire. Sinon, les grands péchés ne sont pas expiés sans repentance. Le cheikh il dit فالصغائر تكفر بالأعمال الصالحة أما الكبائر فإنها لا تكفر إلا بالتوبة إلا إذا شاء الله أن يعفو عن صاحبها وهي دون الشرك فإنها قابلة للعفو من الله سبحانه وتعالى فهي تكفر إما بعفو الله وإما بالتوبة بخلاف الشرك فإنه لا يكفر إلا بالتوبة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Le Cheikh il dit que donc on expie les petits péchés par les bonnes actions, tandis que les grands péchés, il faut qu'il y ait, pour qu'ils soient expiés, il faut qu'il y ait une repentance. Excepté si Allah a voulu faire preuve de pardon et d'indulgence envers la personne qui a fait ce petit péché, ce grand péché-là, Allah s'il veut, il peut le pardonner. Toutefois, tant que ce soit, tant que c'est un péché qui est moins que le shirk. Hein, parce que si c'est un péché qui est moins que le shirk, eh ben, il peut y avoir un pardon et une indulgence de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le grand péché, il est soit effacé ou expié par le pardon d'Allah ou l'indulgence d'Allah subhanahu wa ta'ala et par la repentance sincère. Contrairement au shirk, il n'y a rien qui peut l'effacer excepté la repentance sincère. De cesser de faire le shirk, d'arrêter de le faire, d'avoir les remords, puis de s'en écarter dans l'avenir. Donc le shirk, il s'efface avec l'islam. Et Allah SWT, il mentionne ça dans le verset qu'on connaît très bien, hein, que Allah certes ne pardonne pas qu'on fasse le shirk avec lui, mais il pardonne tout autre péché à qui il veut. Donc ça c'est la fin de ce chapitre. On va donc s'arrêter ici inshallah, puis on continuera donc le prochain chapitre au sujet du fait d'avoir la patience, de patienter et d'endurer les choses que Allah nous a prédestinées. Donc on va s'arrêter ici inshallah. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayh.